Ouais. Là sur Masnet, j'aime bien improviser, toi. Je l'ai pas appris par cœur le truc, là, je sais pas le jouer. Mais j'adore la mélodie, c'est joli, quoi. Masnet, c'est très joli. Tu veux que je le remette? Il y a des Reproduire un modulations petit à peu faire ton en texte. diminué dessus, mais il est pas trop dur, mais j'aime bien, c'est ça chante, c'est lyrique. On peut essayer un truc. Pas ça, hein. Enfin, je sais pas combien il y avait de structures.